بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Aujourd'hui, on va parler, inshallah, des hizbi. On va essayer de définir ce qu'est un hizbi en 7 points, inshallah. Premier point. Il appartient à un groupe particulier qui a sa propre voix en contradiction avec la voix des salafs, comme par exemple le groupe des frères musulmans et ses sections ou le groupe des tablighs et ses partisans. Deuxième point. Il s'assoit ou marche avec un des groupes cités précédemment ou d'autres parmi les égarés dans la aqida et la pratique de l'islam, qu'ils soient des groupes, un individu leader ou suiveur. Troisième point. Il critique Ahl al-Sunnah. Et s'il entend qu'on critique un hizbi ou un groupe, connu pour être hizbi ou une organisation secrète, son visage change et il se met en colère. Quatrième point. Il attaque les gens qui appellent à la sunna, à l'obéissance à Allah, son messager et les dirigeants musulmans qui suivent la voie des salafs. Et c'est le cas de certains prédicateurs qui se prennent pour des imams, comme par exemple Nadir Abou Hennes, comme Hudayfa, je sais même plus c'est quoi son prénom, Hudayfa là sur YouTube. Après les autres là, Haddesh, Aymenter, il y a aussi Tariq Ramadan. Bref, tous ceux qui se prennent pour des imams sur YouTube là, tout cela. Personnes là que je viens de citer, elles font toutes partie d'un groupe hizbi. Et j'expliquerai juste après, Inch'Allah, pourquoi avec les preuves. On va finir avec les 5e, 6e et 7e points. Donc le 5e point, pardon. Il attaque un hizbi, il attaque l'honneur des dirigeants musulmans et aime ceux qui parlent de leurs péchés ouvertement dans leurs livres et cassettes ou dans leurs assemblées. 6e point. Il attaque les savants qui n'ont pas attaqué les dirigeants quand ils ont fait des erreurs. Il les traite de laxistes, de gens du compromis et qui transigent et autres calamités qui ne sont proférées contre les savants rabbani que par les malades du cœur et les faibles d'esprit. Et enfin, dernier point, un hizbi aime les anachides et les pièces de théâtre et il défend cela de tout son cœur. Ils sont très nombreux dans le rang des frères musulmans qui trompent les jeunes avec ces choses-là. Qu'Allah les ramène à la vérité. La source de tout ce que je viens de dire, c'est sur Ilm Shari, et ça a été dit par le cheikh Zayd ibn Mohammed al-Matrali. Maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai dit que Nader Abou Hennes, Tariq Ramadan, Heni Ramadan, Rachid Abou Hudayfa, Rachid Haddesh, Ayman Teher, Eric Younis, tout cela, ils font partie des Hizbi. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il faut savoir que ces personnes-là, ils critiquent les savants. Ils critiquent les savants qui font partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Ils critiquent l'Arabie Saoudite. Ils critiquent les dirigeants d'Arabie Saoudite. Donc, ils se permettent de critiquer des dirigeants musulmans. Et qu'est-ce qu'ils font aux dirigeants koufar, comme les présidents et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut les respecter, nanani, nanana, alors que c'est des koufar, subhanallah. Certes, Allah nous a dit d'être correct avec musulmans et non-musulmans. Mais au bout d'un moment, ils sont là, ils critiquent les dirigeants d'Arabie Saoudite qui sont nos frères en islam. Et ils se permettent de dire de respecter les koufars, subhanallah. C'est-à-dire même le kefir, il a commis les pires horreurs du monde. Ils disent de le respecter et ils viennent critiquer les gouverneurs musulmans, subhanallah. Pourquoi ils font ça à votre avis? Parce que les jeunes d'aujourd'hui qui regardent leur chaîne, parce que la plupart des abonnés de leur chaîne YouTube, c'est des jeunes. Et vu que ces jeunes-là, malheureusement, ils n'ont pas assez de ilm, ou ils cherchent pas dans les bons trucs, ils se font avoir. Et ils cherchent à faire quoi? Ils cherchent à faire haïr le groupe de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, en disant, ouais, ils divisent les musulmans. Ouais, ça c'est leur slogan. Les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, ils divisent les musulmans. Donc maintenant, les savants qui prêchent le tawhid et tout ça, ils divisent les musulmans, subhanallah. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à qui vous suivez sur YouTube. Il ne suffit pas de taper rappel sur YouTube et ça y est, tu regardes la première vidéo qui tombe. Non, il y a des savants à suivre, il y a des sites à suivre, il y a des sites à pas suivre, il y a des savants, il faut écouter, il y a des imams égarés, parce que sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit dans le hadith, ce que j'ai peur le plus pour ma communauté, c'est les imams égarés, subhanallah. Ça a été dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui continuent à dire, ouais, c'est bon, il fait des rappels, c'est n'importe quoi, subhanallah. Il faut vérifier ses sources. Il ne faut pas regarder n'importe qui juste parce qu'il a dit « Ouais, Allah, il a dit ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Ça y est, on le suit, c'est imparfait. » Non, subhanallah, il y a des savants qui ont des années, des années, des années de ilm. Et ces petits jeunes imams-là, ils se permettent de critiquer, subhanallah. Qu'Allah nous pardonne et nous guide. N'hésitez pas à partager avec vos familles, vos amis, etc. Ceux qui regardent encore ces prêcheurs d'égarement. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'avez pas compris quelque chose, ou si je me suis trompé, parce que ça m'arrive de me tromper, si j'ai dit un truc faux, pardon, dans l'audio, n'hésitez pas à venir me le dire. Y a pas de souci, je me corrigerai. Et khair, inshallah, qu'Allah nous facilite la science et nous guide et nous rapproche de lui, inshallah.